get to Gare du Nord. Tout droit. Ils ont mis... Allô. Relax. C'est fini. Il y a longtemps, relax. Vous offrez des places de cinéma ici aussi? Pour quelle raison? J'en ai 40. Pas même 40, ils doivent en avoir. Maintenant, on a ton des magasins dans le genre de Go Sport, est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a que Go Sport. Mais il y en a ici, l'autre est où? L'autre il est vers Darty, place Carré. Place Carré vers Darty. C'est tout droit. J'ai le même jardin. Oui, c'est tout. D'accord, merci. Je vais prendre le métro des Halles. Oui, devant, droit devant. Vous descendez, c'est à gauche. Droit devant. Oui, c'est juste au-dessus. Vous montez derrière moi, derrière. Bonjour, le Jouet Club, ici pour vous. C'est la tour au-dessus, finir au moins de... Oui, c'est ça, juste derrière moi, vous prenez ce club. Merci. Bonjour. Est-ce que je peux trouver le magasin là? C'est une place carrée, c'est tout au fond. Vous traversez le petit jardin qu'il y a là, toujours tout droit, sur la place carrée. Traversez le petit jardin et c'est tout droit. D'accord, merci. Freine, toujours tout droit, traversez, vous sortez, place carrée à droite. Bonjour, le magasin Go Sport. Derrière, à gauche. Je peux vous demander plein de renseignements, je suis sûre. Je suis un petit peu perdue, je voudrais sortir du forum. C'est juste devant. C'est bon là? Oui, seulement l'escalier. Derrière l'escalier. Normalement c'est là qu'on sort, mais apparemment il marche pas. Vous voyez, normalement la sortie qui a l'espoir, elle est juste là. Elle est juste là au-dessus, au bout de cet escalier. Alors autrement, si on ne peut pas sortir par là, il faut que vous sortiez par derrière. Ah oui, je vais monter par là, je vais vous écouter. Je sais pas si vous laissez passer. Si vous arrêtez l'escalier, c'est clair. Écoutez, mademoiselle, c'est l'histoire. Je n'arrive pas à sortir du forum dans la rue Saint-Denis. Autrement, il faut que vous sortiez de l'autre côté, il faut que vous preniez l'escalator qu'il y a derrière moi. Pour berger de ce côté-là.

Il y a un kiosque ici, ressemblant à celui-là de à la Madeleine, pour des billets de théâtre. Il faut que vous descendiez tout droit. Descendez. Descendez tout droit là-bas. Tout droit. Ici. Est-ce que vous avez, tu peux trouver le centre de... Il y a un opticien, je ne sais pas du tout où il est. C'est vous, Médus. Vous avez ce Optica Oui, peut-être. Ou Optica Blanc, je sais pas. Je sais que c'est assez grand. C'est la grande Optica, c'est ça. Lynx Optique, ça doit être Grand Optical, oui. C'est niveau moins 1, que vous montiez derrière moi, vous les escaliers. Derrière moi, vous montiez jusqu'au niveau moins 1, deux niveaux. Ok. Many shop upstairs. Downstairs? No, no, no, downstairs. Upstairs. Upstairs? Yeah. Eight level? No, no. Upstairs, two levels. Two levels? Yeah. And downstairs? Okay. One level. There's not a lot of shops. Oh, where's the Chatelet shop? Eight stairs. Where is the Chatelet? Eight stairs or the shopping center? I don't understand what you mean. No, I mean the department store like this. Yes. Where? Upstairs. Only the building. Yes. Other building. Yes, out, yes, there is a lot of shops everywhere. Out. Oh, indeed, okay. Je cherche un bureau de tabac. Au-dessus. Combien de temps t'es derrière? Thank you. Vous allez. Tout droit, vous traversez, vous sortez tout droit, place carrée, grande place à droite. C'est indiqué. Tout droit, c'est toujours tout droit. Tout droit, à droite. To book tickets for long distance train? No? Not to, like, Aix-en-Provence? Si, si, non. You can aller à la SNCF, en bas. Down. En bas. Down. Oui, merci. Ici, il n'y a pas trois Suisses. Il y a la Redoute. La Redoute, c'est tout droit. Vous sortez, là, toujours tout droit et à gauche, place carrée. Toujours tout droit. Et puis, bus 47. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. Attends. Les autobus, il faut sortir. Il faut sortir au-dessus, là. Au-dessus? Oui. Faites le tour et vous sortez, c'est indiqué. L'hôtel. Ah, il faut sortir. Ah, bonjour. Vous sortez porte Rambuteau, c'est là-bas. Vous sortez porte Rambuteau. C'est à gauche, là-bas à gauche. Okay. Rambuteau. Merci. Je cherche une boutique de choses de nature, je ne sais pas le nom. Nature et découverte, oui, ça doit être ça. C'est tout droit, vous traversez le jardin là, mais c'est bon. D'accord. C'est rue de l'Arc-en-Ciel sur la gauche, à côté de McDonald's. Merci. Cherchez tabac, s'il vous plaît. En haut, il vaut moins de 2 derrière moi. Je traverse. Non, vous prenez les escaliers derrière moi et vous montez où elle est. Je cherche une parfumerie. Une parfumerie. Il y a un Sephora. Vous traversez le jardin là. Et c'est la rue de l'Arc-en-Ciel sur la gauche. Et c'est en face. Mais pas en sortant de l'eau. Non, là, au même niveau. C'est tout droit, vous pouvez aller place carrée, tout droit. Toujours tout droit, oui, dans toujours, oui. Dans ce sens-là, derrière moi. Ok, merci. Excusez-moi, la bibliothèque. C'est pareil, c'est toujours tout droit. Toujours tout droit là, je traverse. Ouais, traverser, et après je crois que c'est en montant. C'est indiqué, il y a un petit escalator, place carrée, il y a un escalator et c'est bon. On cherche la boutique Saint Marina, c'est rue Lesquer d'Argent. C'est à gauche, là. Oui. Derrière vous, prenez à gauche, à gauche. À gauche, à gauche. Merci. Do you have a stamp? excusez-moi la redoute, c'est tu traverses c'est droit devant. Oui. C'est tout au bout, place carrée sur la gauche. Place carrée sur la gauche. D'accord, merci.